comme un soleil qui pleure de la lune qui sourit, comme le vent qui gémit dans l'âme des insoumis. Quand la lune monte de l'eau pour veiller sur nos âmes insolites, nous nous levons crier notre liberté. En quête de nos idéaux, en dehors de la société, briser les conventions. Folie douce, folie amère, il n'y a que les cravates et les idiots qui ne se battent pas pour leurs idées. Enracinés dans leurs conneries et dans le système, ni le soleil, ni la lune ne les font évoluer. S'élever au-delà des frontières. Non, aux âmes sensibles, il faut rester de pierre, avec des idées frigides, pour faire partie de ces autres qui font partie d'un univers dont la seule richesse n'est que factice, et sans valeur aucune face aux détresses de la vie. Comme un soleil qui pleure de la lune qui sourit, comme le vent qui gémit dans l'âme des insoumis, quand la lune monte de l'eau pour veiller sur nos âmes insolites, nous, les rebelles de la vie, nous nous levons crier notre liberté.